Elle est là, celle-là. Elle est là, celle-là. Je peux compter sur vous. On s'entend pas. Je fume des grosses barres, je m'étouffe. Il me reste deux sticks, je m'étouffe. Je fais un rêve 38 ans. Chantier moi calé, j'entends à Hades. Ça se finit au palais. Famille en pleurs stressant. Trop de mise qui me pissent autour de la piste. Vie bien ou bitch. Même si t'es fils de embrouille, grosse droite. Faut leur faire tomber le taser. Un poteau s'est fait niquer. Faut revenir avec un Pfizer. J'suis un chien malade. J'ai même pas pour faire 5-5. Consumé pour un braquage. Et t'en as rajouté 25. Embrouille, si je suis lâché même pas pourquoi. Maintenant tu veux nous niquer. Je m'en fais pas. Ce soir j'oublie tout. Cherche mon chemin, je fais des détours. Ce soir j'oublie tout. Quand je repense à ce jour, je me dis que la vie est courte. On partira tous un jour. Alors je m'en tape tous vos discours. Derrière le premier point je cours. Ce soir j'oublie tout. Cherche mon chemin, je fais des détours. Et quand je repense à ce jour, je me dis que la vie est courte. On tous un jour. Alors je m'en tape de vos discours. Derrière le premier roi, je cours le vélo droit. Si tu veux le qu'arrive dans le game, je suis venu pour tout niquer. Je traînais avec des gens. J'évite les coups de pute. Les salopes qui aiment les friquer. Sache qu'avant tout, je suis pauvre. Je veux Shakira ton piqué. Vas-y, à moi mon briquet. Je roule en buvette. Prends des virages de niquer. Me dis pas si, me dis pas ça. Frérot, je rappe comme des gains. J'ai fini dans des embrouilles. Histoire de fou, ça frappait comme dans des gains. On t'a tout mis dans tes mains. Tu les as tous mis dans la merde. J'ai fini dans un T1. J'ai la tasse. À les couilles. Bois la tasse. J'ai mis des potos. C'était des putes. Sur ma mère qui m'en mêlait. Le vélo. Tout le monde, tout le monde passe à la pétée. Tout le monde. Ma lunette. Je me suis mis à fumer. Mon poteau vient tortiller. Car la tête sur les épaules, les folles me maudissent. Mais est-ce que pas la balle, le mal les grandissent. Quoi qu'on dit. J'ai pas tout dit, pas tout fait. J'ai rien à prouver. Tu m'as donné ton amour. J'ai rien à prouver. Ce soir j'oublie tout. Ce soir j'oublie tout. Quand je repense à ce jour, je me dis que la vie est courte. On partira tous un jour. Alors je m'en tape discours. Derrière le bonheur, je cours le mélodrome. On cherche mon chemin, je fais des détours. Ce soir j'oublie tout. Quand je repense à ce jour, je me dis que la vie est courte. On partira tous un jour. Alors je m'en tape de vos discours. Derrière le bonheur, je cours. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Papa. Papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa sûrement c'est toute la vie. Nous partira tous un jour. Alors je m'en tape de vos discours. Derrière le bonheur, moi je cours. Ce soir j'oublie tout. Chaque fois je fais des détours. Ce soir j'oublie tout. Et quand je repense à ce jour, je me dis que la vie est courte. Alors je m'en tape. Ce soir j'oublie tout. Cette fois-ci je fais des détours. Ce soir j'oublie tout. Et quand je repense à ce jour, je me dis que la vie est courte. On partira tous un jour. Alors je m'en tape de mon discours. Rentrez bien ce soir, faites attention à vous. Rentrez bien, faites pas de conneries. Voilà, et j'ai vécu un rêve ce soir. Un rêve réalisé avec ma team que j'aime. Et je vous aime. Et grosse, grosse force à tout Marseille. Marseille, c'est ma vie, mon cœur, mon sang. Grosse dédicace à mon père aussi. À mon père, ma mère, ma famille, toute ma famille, ma grand-mère, mon grand-père. Je vous aime, grosse dédicace à toute ma famille. Voilà, et toute ma Kindoul. Je vous aime, grosse dédicace à tous les gens qui sont venus me voir aujourd'hui, aussi connus ou pas connus. Voilà, merci, je vous aime. Et merci la Kindoul. Grosse force à tout le monde. On est ensemble, la paix sur tout le monde. Rentrez bien, faites pas de conneries. Merci la Kindoul.